Le chien et son os. Un chien trouva un jour dans une poubelle un bel os bien juteux. Il l'agrippa bien fermement dans la bouche et reprit la route pour rentrer chez lui. Sur le chemin, il ne cessait de penser au plaisir qu'il allait prendre à savourer tranquillement cet os. Ses pas le menèrent vers une rivière qui serpentait le long du village. Alors qu'il traversait la rivière sur une planche en bois, ses yeux tombèrent sur une image délicieuse. Dans l'eau calme de la rivière se trouvait un chien, exactement comme lui, tenant un bel os dans sa gueule. « C'est mon jour de chance aujourd'hui, » pensa-t-il. « Je parviendrai certainement à piquer l'os à ce stupide chien. Le temps qu'il sorte de l'eau, je serai déjà à la maison. » Mais juste au moment où il ouvrit la bouche pour attraper l'autre os, le chien tomba dans l'eau et disparut immédiatement. La seule chose qu'il put voir était la tête de l'autre chien qui le regardait tristement. Il avait la tête d'un chien qui n'avait pas seulement perdu un bon repas, mais deux.